بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui on va réviser un petit peu ce qu'on a vu sur la salat. Il n'y aura pas de tafsir et on fait ensuite les hadiths. Donc, alors ce que je voulais réviser c'est les arkan, les shurut. Donc on va commencer par arkan ou salat. Donc par rapport à ce qu'on a vu dans le livre, pas par rapport aux commentaires qu'on a rajoutés. Donc quels sont arkan ou salat? Ou d'abord qui me définit ce que sont les arkan? Allez, c'est à vous de participer aujourd'hui. Les piliers. Les piliers, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire les piliers? Les piliers de la salat. Vas-y Abdullah. Quand il y a quatre piliers, s'il y a un qui manque, la prière n'est pas acceptée. Ouais, on peut dire ça. Donc c'est quoi la différence entre les arkan et les wajibat? Les piliers et les obligations. Les piliers, on ne peut pas les rattraper. Voilà, les piliers, si on les manque, la prière elle n'est pas valable, qu'on le fasse volontairement, involontairement, par oubli, par ignorance ou quoi que ce soit. Alors que les obligations, elles peuvent être rattrapées si on les oublie, par deux prosternations à la fin de la prière, et aussi si on les fait pas par ignorance, c'est excusé. Donc quels sont ces arcanes, arcanes ou salat? Bah c'est facile pour se remémorer, si on les apprend pas par cœur, arcanes ou salat. Moi je les ai jamais apprises par cœur, arcanes ou salat. J'ai jamais appris à 14 arcanes ou salat, etc. Mais normalement je saurais vous les dire. Vous allez me dire heureusement. Pourquoi? En fait, comment on fait pour se rappeler de arkan ou salat? Il suffit de commencer par le début de la prière. On commence la prière en disant Takbiratul Ihram. Donc c'est le premier. Ensuite, on réfléchit à ce qu'on fait et là, on va se rappeler de tous les arkan. Quand c'est pas un rukn, on l'enlève et on va se rappeler. Donc Allahu Akbar, Takbiratul Ihram. Le Qiyam. C'est-à-dire se lever. Fatiha. Qira'atul Fatiha, la récitation de la Fatiha. Donc pour qui est-ce que c'est un pilier? Pour l'imam. L'imam. Le ma'moum à voix basse. Al-Munfarid, celui qui prie seul. En fait, quand est-ce que c'est pas un pilier? C'est pour le ma'moum quand la prière est à voix haute. Celui qui est derrière l'imam, quand la prière est à voix haute, lui ne récite pas la Fatiha. On avait vu que c'était Ibn Taymiyyah disait c'est un ijma' des tabi'in. À l'époque des tabi'in, il n'y a pas d'autre opinion connue que celle-là. C'est seulement après que le khilaf il est apparu. Donc ensuite, après la récitation de la Fatiha, al-rukur wa al-qiyam, al-i'tidal min al-rukur. Donc rester debout après le rukur, c'est un rukn à respecter. Après bien sûr, al-sujud. Al-raf'u min al-sujud wa al-julus bayna al-sajdatayn, se lever du sujud et s'asseoir entre les deux sajda. Voilà, at-tuma'nina, c'est-à-dire la tranquillité, la sérénité dans les deux qiyam, dans le ruku' et dans le sujud. Et dans le qu'ud, lorsqu'on s'assied, on s'assoit pardon, entre eux, les deux sujud. Et enfin, at-tashahhud al-akhir, le deuxième tashahhud. Car le premier est une wajiba, ou plutôt un wajib. Ensuite, ici, il rajoute al-julus li-tashahhud al-akhir. Donc c'est vrai, même si c'est assez évident, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire debout. Et dans le livre, qu'est-ce qu'il y avait également? As-salatu ala al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit, c'est un rukn chez l'imam al-shafi'i, rahimahullah. Et enfin, al-taslim. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir de la salat qu'en disant le taslim. Chez Abu Hanifa, juste pour la parenthèse, aujourd'hui le cours il est détendu. Chez les Ahnaf, on peut sortir de la prière en rompant la prière. C'est-à-dire qu'on peut se lever et partir. C'est-à-dire que pour eux, le taslim, c'est sunna. Mais on peut partir comme ça. J'ai demandé, c'est pas une wajiba pour eux. À ma connaissance, c'est soit un wajib, soit une sunna. Mais en tout cas, c'est pas un pilier. C'est-à-dire que même si tu romps l'ombo, par exemple, quand tu es assis, ben c'est bon. S'il te manquait que le taslim à faire, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fini avec le tashahhud, la prière elle est complète. Bon, ça c'était pour, on va dire, la culture générale. Donc on va passer aux wajibat. Donc les wajibat selon le livre, parce que nous on avait rajouté quelques commentaires. Alors les wajibat selon le livre, quelles sont-elles? Tashahhud al-awwal. Tashahhud al-awwal, le premier tashahhud. Les takbirat, ce qu'on appelle takbirat al-intiqal. Allahu Akbar et Allahu Akbar également entre les sujoud ou pour se relever du tashahhud. Voilà. Donc la plupart, en fait, les wajibat, c'est toujours des paroles. Samia Allahu liman hamida, quand on est debout, Rabbana wa lakal hamd. Quand on est entre les deux, prosternation, Rabbi ghfirli au moins une fois. Quand on est prosterné, Subhana Rabbi al-A'la une fois. Quand on est incliné, Subhana Rabbi al-Azim une fois. Et le premier tashahhud, wa al-julus, ou le fait de s'asseoir pour le premier tashahhud. Et on avait dit que toutes ces choses-là, à part le premier tashahhud, c'est simplement des sunan chez la plupart des fuqaha. C'est-à-dire que tous ces afkar-là, chez la plupart des fuqaha, à part l'imam Ahmed, c'est des choses qui sont recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, shurut us-salah. Ça, c'est assez facile. Les conditions de la prière, c'est-à-dire avant de faire la prière, qu'est-ce que je fais pour que la prière soit valable? Niyya, l'intention. Istiqbal al-qibla. Qu'est-ce qu'on avait précisé dans istiqbal al-qibla? C'est que la question, elle est large. Istiqbal al-qibla. Satr al-awra. Donc des genoux jusqu'au nombril pour l'homme. Ouais, on peut ajouter l'islam, l'aql, la tamiz, ça c'est pour, c'est vrai, c'est pour tous les actes d'adoration. Al-tahara, min al-hadath al-akbar wal-asghar, wa al-raf'u wal-taharatu min al-najasa. Être débarrassé de toute impureté. Donc en gros, c'est la purification, sat'ur al-awra, se tourner vers la qibla et avoir la niya de faire salah. Ensuite, le chapitre suivant, c'est Awqat al-Salawat al-Khams. Juste pour ce temps-là, normalement, il faut même mettre quelque chose sur le coup. Ouais, on avait dit, en fait, chez l'imam Ahmed, c'est wajib, mais c'est pas un shart, mais c'est wajib. Et chez les autres fuqaha, c'est mustahab, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Par rapport au hadith qui dit, c'est le sens du hadith, « La yusalliyanna ahadukum fi thawbin wahidin » ليس على عاتقه العاتق سديسي ايسي منه يعني من الثوب شيء. Que personne ne prie dans un seul vêtement en ayant sans avoir un bout de ce vêtement sur al-atiq. Sachant qu'il y a beaucoup de débats autour de ce hadith. Parce qu'il a bien précisé celui qui prie dans un seul vêtement. Certains ont dit en fait que c'est parce que s'il prie dans un seul vêtement, s'il ne fait pas passer par là, par rapport aux vêtements tels qu'il s'habille à l'époque, ça risque de tomber quand il prie. Donc si tu pries avec un serwel, il n'y a plus lieu de mettre quelque chose sur tes épaules, etc. Ça c'est pour parler de ce qui est obligatoire. Sinon dans le Coran, Allah a dit « Khudhu zinatakum inda kulli masjid ». C'est-à-dire ce qui est demandé aux prieurs quand ils prient, c'est d'avoir des vêtements qui soient de zina, qui soient corrects par rapport à l'époque où il vit et l'endroit où il vit. Il est rapporté par exemple que Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, un jour il a vu Nafi', son servant Nafi', il l'a vu prier dans les vêtements qu'on met à la maison, l'équivalent du pyjama pour nous. Et il lui a dit, ne prie pas dans ce genre de vêtements, car Allah a dit, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. En fait, il lui a dit, est-ce que tu sortirais devant les gens comme ça? Il a dit non. Donc tu ne pries pas devant Allah comme ça. C'est pas dans les obligations, mais c'est la bienséance, c'est l'adab envers Allah et le respect de la prière. Le chapitre suivant, c'est sur les horaires de prière. Mais il y a beaucoup de nos amis là qui sont en vacances, donc on va attendre qu'ils rentrent pour le faire. J'espère que certains d'entre vous, ils enregistrent. Il y a beaucoup de frères, là, si vous avez remarqué, qui sont en vacances. Ils m'ont prévenu, d'ailleurs, auparavant. Donc on va quand même faire Sifatul Salah aujourd'hui, ce qu'on avait dit la semaine dernière, qui manque dans le livre. Il manque dans le livre Sifatul Salah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait tant d'importance à l'enseignement de la prière que une fois il a prié sur le minbar. Et quand il faisait le soujoud, il descendait en reculant pour se faire la prosternation par terre. Pour que les gens voient comment il fait la prière. Donc sifatul salah, la description de la prière, c'est un chapitre dans les livres de fiqh, dans tous les madhahib. C'est un chapitre important. Et bien sûr, c'est un chapitre qui passionne le musulman. Parce que le musulman, il a envie de savoir comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel geste il faut exactement faire, etc. Mais en même temps, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de divergences. D'où est-ce qu'elles viennent ces divergences? Déjà, si on comprend le sujet de Sifatou Salah, on comprend que c'est un sujet qui ne relève pas des obligations. La plupart de Sifatou Salah, c'est des choses qui sont bien à faire, qui sont recommandées, ou alors des choses qu'il est déconseillé de faire, mais qui ne sont pas haram, qui n'annulent pas la prière. Donc souvent, les choses, quand elles sont simplement recommandées, on va y trouver beaucoup de divergences. Parce que les choses où il y a le moins de divergences, c'est les choses qui sont obligatoires. Et d'où elles peuvent venir, ces divergences? Donc encore une fois, moi je vous fais un cours. Le cours, il sert quand même à savoir ce qu'on doit faire, comment faire wudu, etc. Mais moi, j'espère vous donner dans le cours un peu des clés, des outils pour vos lectures hors du cours. Sinon, ce que j'aurais fait, j'aurais pris un livre dans un madhab, je vous aurais dit, on suit tel madhab, on avance, un point, c'est tout. Mais comme on est dans un monde où ben, tu vas rencontrer tous les madhabs, tu vas lire sur Internet de plein de chouïrs différents, je préfère vous donner quelques éléments, modestement, qui peuvent plutôt vous aider. Donc pourquoi tant de divergences sur Sifatou Salah? Ben en fait, ça revient à la divergence de méthodologie chez les fuqaha. Donc ça peut être une différence de méthodologie dans les hadiths, et ça peut être une différence de méthodologie dans le fiqh. C'est-à-dire que si on prend les fuqaha qui se basent purement sur le hadith, un peu à la façon de l'imam Shafi'i, rahimahullah, pour définir comment faire la salah. Donc c'est-à-dire qu'on va puiser dans les hadiths authentiques pour définir comment faire la prière. Mais après, pourquoi on va trouver tant de divergences? Parce que les savants du hadith n'ont pas tous la même exigence vis-à-vis des hadiths. C'est-à-dire qu'on va trouver certains savants du hadith qui sont plutôt laxistes, et d'autres savants du hadith, et qui sont eux normalement qui sont à mettre en priorité, qui sont comme Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, et avant eux l'imam Ahmed et autres, et ceux qui les ont précédés, qui sont plus durs dans les hadiths et qui rejettent plus facilement les hadiths pour ce qu'on appelle la illa, c'est-à-dire les défauts qu'il peut avoir dans les chaînes de transmission, les défauts subtils. Donc selon le, entre guillemets, le minhaj, la méthodologie dans le hadith de tel ou tel savant, ben vous allez voir que comment il définit Sifatou Salah, ça va changer. Donc par exemple, à notre époque, parmi les livres connus dans Sifatou Salah, il y a celui du Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui était plutôt, on ne va pas dire laxiste, mais il va accepter beaucoup plus de hadiths et de rajouts dans les hadiths que ne le faisaient comme les gens comme Al-Bukhari ou Ahmed ibn Hanbal ou Abu Daoud et ce genre de génération. Mais en même temps, on va trouver chez des savants plus anciens certains qui lui ressemblent dans sa méthodologie, comme Ibn Khuzayma ou bien Ibn Hibban. Donc chez ce genre de savants du hadith, on va trouver que c'est très large, ils prennent beaucoup de choses. C'est pour ça par exemple qu'on va trouver qu'il dit qu'il faut coller les talons dans le soujoud et ce genre de choses. Donc il y aura plus entre guillemets de sunan. Alors que si on est plus strict dans le hadith, ben forcément il y en aura moins. Et Sifatou Salah, elle sera plus simple. Donc ça peut être par rapport à la méthodologie dans le hadith. Après ça peut être aussi, c'est pour ça si vous prenez, par exemple à notre époque, on parle de notre époque, deux livres qui ont le même nom, Sifatou Salah du Shir Al-Albani, et vous prenez Sifatou Salah du Shir Abdelaziz Al-Tarifi, ben ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir, bien sûr, la prière en elle-même, en apparence, c'est la même. Mais dans les détails, etc., les sunan, il y a beaucoup de différences. Pourquoi? Parce que Al-Albani, lui, va plus être à la méthodologie, prendre les sciences du hadith et les appliquer un peu comme des mathématiques, alors que Al-Tarifi, il va plus être dans la méthodologie qui consiste à dire l'imam Al-Bukhari a dit ce hadith est faux. L'imam Ahmed a dit ce hadith est faux, point. S'il a dit que c'est faux, c'est que c'est faux. Donc il est plus dans l'imitation et le fait de marcher sur les traces des anciens savants du hadith. Et il n'y a aucun doute que dans les deux méthodologies, c'est la deuxième qui est la meilleure, puisque on ne peut pas être, nous, plus savants du hadith que les anciens. qui mémorisaient des centaines de millions de chaînes de transmission. Donc c'est pas à eux qu'on peut apprendre quoi que ce soit dans les hadiths. Donc c'est pour dans le hadith, on va voir différentes conclusions. Et aussi ça peut être une différence de méthodologie dans le fiqh. Donc si on prend par exemple, si on voit la description de la salat dans le madhab de l'imam Malik, c'est très différent que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi ? Parce que la principale source du fiqh dans le fiqh de l'imam Malik, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle l'amal, c'est-à-dire la pratique qui était répandue à Médine, dans les premières générations. Donc ça, pour ceux qui suivent l'imam Malik, ça passe avant les hadiths. Donc c'est pour ça que beaucoup de hadiths qui peuvent être même dans le Bukhari, dans le Muslim, etc., ils ne vont pas les mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que pour eux, cette pratique-là, elle n'était pas connue, elle n'était pas répandue à Médine, à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, donc on ne la met pas en pratique. Donc la salat, elle va être très simple, encore plus simple. Il y aura moins de, entre guillemets, de sunan dedans. Alors que si on se base plus sur la méthodologie des fuqaha du hadith, comme Shafi'i et Ahmed, bah, tout hadith authentique, on va le mettre en pratique. Qu'il ait été répandu ou qu'il n'ait pas été répandu, sauf dans quelques masaïl qu'on va voir ensemble. Donc selon la méthodologie dans le fiqh, Sifatou Salah, elle va varier également. Et après, Sifatou Salah, elle peut varier également selon l'interprétation de certains hadiths. C'est-à-dire même chez les gens qui ont une même méthodologie, parfois on peut interpréter différemment certaines choses. On va prendre l'exemple le plus connu, l'exemple de Jalsatu al-Istiraha. C'est-à-dire quand on a fini la première raka'a. Est-ce qu'on s'assoit avant de se lever ou est-ce qu'on se lève directement ? Les fuqaha, ils appellent ça Jalsatu al-Istiraha. C'est-à-dire le fait de s'asseoir pour se reposer. Pourquoi ça c'est un bon exemple ? Parce qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que les hadiths de Jalsatu al-Istiraha, ils sont sahih, ils sont authentiques. Il y a deux hadiths à ce sujet. Le hadith de Abu Humayd Sa'idi et le hadith de Wa'il ibn Hujr. Les deux, ils sont dans Sahih al-Bukhari. Qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans une raka'a impair, il ne se levait pas avant de s'asseoir complètement. C'est-à-dire qu'il s'asseyait tranquillement et ensuite seulement il se levait. Donc là, ce n'est pas sur l'authenticité du hadith qu'on va diverger. Mais ça va plus être sur l'interprétation du hadith. C'est-à-dire que certains, comme par exemple l'imam Shafi'i, vont dire, voilà, c'est rapporté du hadith, c'est la sunna, point. Tout simplement. On a une preuve textuelle, on n'a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc on le fait. C'est la sunna, c'est recommandé. Et d'autres, comme l'imam Ahmed ou autres, ils vont dire, rahimahullah, ils vont dire, ben non, parce que quand on regarde ce qui était connu chez les sahaba, dans les autres hadiths, ou comment les sahaba également priaient, ce qui est rapporté d'eux, et comment les salafs priaient, cette pause, entre guillemets, on va l'appeler la pause, elle n'était pas connue. Et comme les sahaba qui ont rapporté ce hadith n'ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que très tardivement, parce qu'il ne faisait pas partie des muhajirines et des ansars, mais il faisait partie des derniers convertis, donc ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la toute fin de sa vie, eh bien, on peut fortement penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait cela qu'à la fin de sa vie pour un besoin, parce qu'il était plus fatigué que quand il était jeune. Sachant qu'oralement, il n'a pas dit de faire cette pause, il l'a fait gestuellement. Donc, pour rejoindre tous les textes et tout ce qui était connu à l'époque des salafs, et ce qui est rapporté des compagnons, eh bien, on va interpréter ce hadith en disant que non, il l'a fait pour une circonstance. Et que donc c'est recommandé si on est dans cette circonstance. Donc l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, dans le fiqh, plus ou moins, ils ont la même méthodologie, c'est-à-dire le fait de se baser sur le hadith authentique, sans se concentrer sur la pratique à Médine. Eux, ils se concentrent sur la pratique dans tous les pays de l'islam. C'est-à-dire que chez l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, si un hadith il était authentique, mais qu'il avait déjà, il n'était pas mis en pratique du tout, ni à Médine, ni en Égypte, ni à la Mecque, etc., ils ne le mettaient pas en pratique. Pas seulement Médine. Donc leur méthodologie, plus ou moins, elle est la même. C'est de mettre en avant le hadith sahih. Et pourtant, on voit que sur un hadith sur lequel ils ne divergent pas, ils vont diverger sur, son application et sa compréhension. Donc voilà un petit peu des quelques éléments pour qu'on comprenne que à la fois c'est un sujet important, mais c'est un sujet large. Il ne faut jamais tomber dans le fait de dire celui-là, s'il ne prie pas comme ça, c'est pas un bon, ou il ne sait pas prier, ou il ne connaît pas la sunna, etc., etc. C'est juste qu'il ne s'est peut-être pas basé sur les mêmes, la même compréhension que toi, ou les mêmes interprétations que toi, ou les mêmes hadith, le même jugement des hadiths que toi. Ça m'a toujours frappé, cette phrase que j'avais entendue de quelqu'un il y a longtemps, quand il me disait, il parlait des jeunes dans une mosquée, et il disait, voilà, ils ne savent même pas prier, ils ne collent pas les talons quand ils font le soujoud. C'est-à-dire quand ils font le soujoud, ils ne collent pas leurs talons. Il ignorait que chez les quatre imams, l'extra majorité des fuqahas, ça n'existe pas de coller ses talons quand on est dans le soujoud. Lui, regardez, comme il ne se base que sur un livre, il en a fait que c'est ça la sunna. Quand il ne voit pas ça chez quelqu'un, pour lui, ce n'est pas prier. Donc regardez comment le manque d'ouverture, le manque de compréhension, avant de lire des livres, avant de se lancer, eh ben ça te fait tomber dans des erreurs et dans un manque de compréhension. Donc, pour parler concrètement de Sifatus Salah, on l'a vu plus ou moins à travers tout ce qu'on a lu, mais après pour rentrer dans le détail, donc Sifatus Salah, ça consiste à se tourner vers la Qibla debout, et pour dire le Takbir, Takbiratul Ihram, à lever les mains. Donc soit jusqu'aux épaules, soit jusque Furu' al-Udhunay, c'est-à-dire aux oreilles. Et de ne pas toucher ses oreilles. Ça n'existe pas. C'est pas rapporté dans les hadiths. Ce qui est rapporté dans les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains jusqu'aux épaules ou jusqu'aux oreilles. Et ensuite, directement, il les posait. C'est-à-dire qu'il ne les lançait pas. Il ne faisait pas ça. Allahu Akbar. Ou bien Allahu Akbar. Il levait ses mains. Allahu Akbar. Et ensuite, il les posait directement. Quand on dit soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules, ça veut dire que c'est une divergence ou alors les deux sont... Ça veut dire que les deux sont rapportés dans les hadiths. Il y a certains hadiths qui disent hadwa, c'est-à-dire au niveau de mankibay, et d'autres qui disent ila furu'i udhunay. Donc les deux sont rapportés. Et ensuite il pose la main droite sur sa main gauche. Ça aussi c'est large. Quand on lève les mains, il faut qu'ils soient droites ou bien par exemple ceux qui font ça c'est bon aussi. En fait, en réalité, il n'y a rien qui est précisé dans la sunna. Donc, dans les hadiths vraiment authentiques, il n'y a rien qui est précisé. Donc, tant qu'il lève ses mains à ce niveau-là, c'est bon. Ensuite, il pose donc, pour la grande majorité également des fuqaha, c'est ce qui est rapporté dans de nombreux hadiths sahih, il pose sa main droite sur sa main, sur la main gauche, c'est-à-dire sur l'avant-bras et le poignet gauche. Ensuite, est-ce qu'il les pose sous le nombril, sur le nombril, un peu au-dessus du nombril ou sur la poitrine? Tout ça c'est rapporté dans les hadiths, mais les savants du hadith ont jugé que tous ces hadiths-là, toutes ces riwayettes, elles se valent dans le sens où elles ne sont pas authentiques. Donc en vérité, la question elle reste large. C'est-à-dire qu'il peut les poser plus bas, les poser au milieu, un peu plus haut. Ce qui est vraiment attesté dans la sunna, c'est qu'il mettait la main gauche sur la main droite, tout simplement. C'est pas interdit, c'est même, à vrai dire, c'est même rapporté de beaucoup de salafs qui le faisaient. Mais la sunna, nous, ce qu'on cherche, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans de nombreux hadiths sahih, et c'est ce qu'ont appliqué la grande majorité des fuqaha, la sunna, c'est de poser la main droite sur la main gauche. Maintenant, le fait de dire qu'il faut prier comme ça, c'est un avis qui existe. Après, à eux d'argumenter, ça, c'est pas, on va pas trop s'attarder. Mais ça, on va dire, pour retenir, pour pas être comme ça, on va dire que c'est un avis qui existe. Si tu vois quelqu'un prier comme ça, bon, il a suivi son truc, entre guillemets. Ça, ils appellent ça le sed. Ouais. Et rapport ça, ils disent que ça fait partie du madhab du Imam Malik. Et il y en a, ils disent, il y a un débat là-dessus, t'as vu. Oui, il y a un gros débat. Ouais. C'est un gros débat. En fait, le madhab, le mu'tamad, ce qu'on appelle mu'tamad, parce qu'en fait, tout madhab, il faut qu'on comprenne que tout madhab, en vérité, dans un madhab, il y a plein de paroles de l'imam qui sont rapportées différentes. Mais, à la fin, on en choisit une et on dit c'est ça le madhab. Et chez l'imam Malik, ils ont décidé que le madhab, c'est ça, c'est de prier comme ça et que c'est ça le madhab de l'imam Malik. Pourquoi? Parce que Ibn al-Qasim, en fait, l'imam Malik, rahimahullah, il y a plusieurs de ses élèves qui ont rapporté ses avis. Et il y a plusieurs élèves de l'imam Malik qui ont rapporté que l'imam Malik il prônait de mettre la main droite sur la main gauche dans la salah. Et il y en a d'autres qui ont rapporté ou dont on a compris que l'imam Malik il recommandait de lâcher les bras dans la salah. Et parmi ceux dont on a compris ça, je dis bien dont on a compris parce qu'il ne le dit pas, c'est pas clair. C'est plutôt une interprétation de ses paroles, c'est Abdurrahman ibn al-Qasim. Et comme Abdurrahman ibn al-Qasim, c'est lui qui est resté le plus longtemps avec Malik, il est resté 20 ans avec lui. Et c'est lui qui est resté avec Malik jusqu'à sa mort, eh bien les Malikites, au fil des siècles, ils se sont mis d'accord pour dire que le madhab, c'est ce que rapporte ibn al-Qasim. Donc ils ne jettent pas les autres avis rapportés de l'imam Malik, ils les prennent en considération. Mais si on doit en garder qu'un pour eux, on garde celui rapporté par Abdurrahman ibn al-Qasim, parce qu'il disait que c'est lui qui connaissait le mieux l'imam Malik et ses avis. Or, ibn al-Qasim, quand on lui a demandé « Al-i'timad ou fis salah », en fait, tout il vient de là. C'est qu'on ne lui a pas dit quel est le jugement de poser la main droite sur la main gauche. On lui a dit quel est le jugement de « Al-i'timad ou fis salah ». Al-i'timad. L'i'timad, ça veut dire s'appuyer. Donc on lui a dit Ali Atimed en posant la main droite sur la main gauche. Donc lui il a dit, l'imam Malik disait La a'rifuhu, je ne connais pas cela. Quand l'imam Malik il dit La a'rifuhu, qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que dans le Muwatta écrit par l'imam Malik, il y a un hadith qui dit qu'il faut faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas les hadiths, il les connaît. La a'rifuhu chez l'imam Malik, ça veut dire je ne connais pas cela de la part de des générations qui nous ont précédés à Médine. En gros, ça veut dire la majorité des tabi'in et des sahaba à Médine ne faisaient pas ça. Voilà ce que ça veut dire la a'rifuhu chez l'imam Malik. Après, reste à interpréter, est-ce qu'il a voulu dire ça sur le simple fait de faire ça ou de faire l'i'timad vraiment, c'est-à-dire de faire ça pour s'appuyer. Donc certains vont dire non, il a voulu aussi dire faire ça, il ne le connaît pas et il a dit illa fil nafila, sauf dans la nafila. Donc ils disent bah, le madhab de l'imam Malik c'est qu'il faut prier comme ça. Et d'autres vont dire non, il a bien dit l'i'timad. C'est-à-dire si c'est dans le sens de s'appuyer, il a dit je ne le connais pas. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne recommande pas de faire ça. Voilà tout le débat chez les malikites, il tourne autour de ça. Wallahu a'lam. Et il y a beaucoup de malikites aussi à travers les siècles dans différents. Parce que des écoles malikites, en fait, il y en a plein. Des courants malikites, et il y en a beaucoup qui priaient. Et qui prônait de prier comme ça, de lever les mains, etc., etc. Comme surtout en Andalousie, par exemple. Donc il fait ça. Après, on dit dua al-istiftah. Donc dua al-istiftah, ça peut être Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashariqi wa al-maghrib. Ça, c'est la plus authentique. C'est celle qu'a rapporté Abu Huraira radiallahu anhu, qui disait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la salah, il remarquait qu'il se taisait pendant un instant. Donc après, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Et il a dit, Aqul, et il lui a dit cette dua, dont je vais te citer le début, qui est plus ou moins un istighfar. Elle consiste à demander pardon à Allah. Une autre dua existe qui est bien connue, c'est Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. En fait, c'est plus un tasbih et un tahmid que une dua. C'est du tasbih, du tahmid, du tahlil. Et celui-ci, cette formule-là, Omar ibn al-Khattab l'enseignait aux gens. Donc ça, c'est dua al-istiftah qu'on dit à voix basse et qui est recommandé. Ça me fait penser encore à un jour, subhanallah, j'étais dans une mosquée et l'imam, c'était un vieux du bled traditionnel, on va dire. Et regardez l'ignorance où ça peut mener. Donc lui, quand il disait Allahu Akbar, tout de suite il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est le madhab de l'imam Malik. Et ils ont leurs explications, ils ont leur, notamment le hadith de Aïcha radiallahu anha qui disait Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu as-salata bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Le hadith de Aïcha radiallahu anha, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc l'imam Malik rahimahullah, il a pris ce hadith et il a mis du côté les autres hadiths. Encore une fois, pour la question de l'amal. Et donc, il prône que, quand on dit At-Takbir, on commence tout de suite, ni l'Isti'adha, ni la Basmala, mais directement, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Billahi Alaykum, si quelqu'un, il suit l'imam Malik et il fait ça, est-ce que je peux lui reprocher? Je ne peux pas lui reprocher. C'est une compréhension, il y a des preuves, et etc. C'est une méthodologie. Et un jour, je priais dans une mosquée, l'imam, il faisait ça. Et quelqu'un, donc, encore un exemple de monsieur, je sais tout, juste avant qu'on prie, il me dit dans mon oreille, en plus pour me faire rire avant ce temps-là, il me dit, tu vas voir, lui, elle est longue, ça, de Ali Stiftah. Il me dit ça. Puis quand je dis Allahu Akbar, j'entends tout de suite, il dit, en fait, il a dit ça pour se moquer de l'imam. Alors que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Quelqu'un, il peut dire une parole qui encourt la colère d'Allah sans lui prêter d'importance. Mais elle va le condamner en enfer. Et comme il a dit, barakallahu fik, 70 kharif, elle va l'enfoncer dans le feu pour une distance de 70 ans. Regardez parfois le fait de croire qu'on sait tout, parce qu'on a eu quelques bribes de... Ça peut mener loin. Là, il s'est moqué de quelqu'un. Et il s'est moqué de quelque chose qui vient de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc s'il y a une chose que je veux que vous reteniez des cours, c'est ça. C'est, il ne faut pas être comme ça fermé. Il faut être ouvert, surtout dans le fiqh. Le fiqh, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de méthodologies, il y a beaucoup d'interprétations différentes qui datent des anciens. Donc nous, on ne peut pas venir et trancher comme ça. Il faut toujours respecter notamment les quatre imams et les quatre madhahib. Donc on revient à ce qu'on disait. Donc on fait du'a al-istiftah, ensuite al-isti'ad. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc Allah dit dans le Coran que lorsqu'on récite le Coran, c'est-à-dire lorsqu'on s'apprête à réciter le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نَسْتَعِذْ. Donc on dit أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et ensuite on dit al-basmala. Et un grand khilaf existe entre les fuqaha sur al-basmala. Est-ce qu'elle fait partie de la Fatiha ou pas? Donc, tous sont unanimes pour dire que Al-Fatiha, elle est de 7 versets. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Nous t'avons donné السَّبْعَ الْمَثَانِ, c'est-à-dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était Al-Fatiha. Les 7, pourquoi مَثَانِ? الْمَثَانِ لِأَنَّهَا تُثَنَّا فِي الصَّلَةِ. Parce que quand on fait la prière, la Fatiha, on va toujours la réciter au moins 2 fois. Et d'autres ont dit As-Sab' al-Mathani, Mathani dans le sens Al-Tikrar, c'est-à-dire qu'on les répète et qu'ils se ressemblent. Ce sont des versets qui se ressemblent dans leur longueur. Donc, certains fuqaha disent que le premier, Al-Ayatul Ula min al-Fatiha, le premier verset de la Fatiha, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce qui fait que le dernier verset, qu'est-ce que c'est? C'est صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout ça, c'est le septième. Et d'autres disent que la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que Bismillahir Rahmanir Rahim, en vérité, c'est une ayah, mais qui est au début de chaque surah sans faire partie de la surah. Et ça, c'est appuyé par le hadith qui est dans le Bukhari Muslim, dans lequel Allah Ta'ala dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Vous connaissez tous, je pense, ce hadith. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit, j'ai divisé la salat en deux entre moi et mon serviteur. Donc quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par quoi il a commencé? Par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu A'lam, cette divergence, elle n'a pas un grand impact pour nous, parce que de toute façon, on ne va jamais se priver de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Que veut dire Bismillah? Quand on dit Bismillah, Bismillah, quand on dit Bismillah, il y a quelque chose qui est sous-entendu. C'est un fi'l. Yani Aqra'u Bismillah ou Bismillahi Aqra'u. Quand on mange et qu'on dit Bismillah, ça veut dire Bismillahi akulu. Au nom d'Allah, je mange. Quand on fait qira'a, ça veut dire Bismillahi akra'u. Dans tout ce qu'on fait, quand on sort de chez soi, on dit Bismillah, c'est sous-entendu Bismillahi akhruju. Au nom d'Allah, je sors. Mais que veut dire Bismillah? D'accord, ça veut dire Bismillahi akra, mais ça veut dire quoi Bismillah? Eh bien, l'imam al-Tabari, rahimallah, il a bien expliqué en disant Ism, dans Bismillah, ism ça veut dire le nom. En fait, c'est le sens du masdar, qui veut dire tasmiya, du verbe samma, c'est-à-dire nommer. Et en fait, Bismillah, ça signifie bi tasmiyatillah. Yani abda'u bi dhikrillah. Aqra'u mubtadi'an bi tasmiyatillah wa dhikri. C'est ça le sens de Bismillah. Donc quand tu dis Bismillah avant de réciter, c'est comme si tu disais je récite en commençant par mentionner le nom d'Allah avant de réciter. C'est ça le sens de Bismillah. Et pourquoi on commence par mentionner le nom d'Allah? Pourquoi Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté de commencer par Bismillah? C'est pour, d'une part, al-isti'anatu billah, chercher l'aide d'Allah dans ce que tu fais, wat-tabarruku bismihi, et chercher la baraka du nom d'Allah dans ce que tu es en train de faire. Donc quand tu commences ta qira'a par Bismillah, quand vraiment tu le dis avec ce savoir et cette niya, tu demandes l'aide d'Allah dans ta qira'a et tu demandes la baraka de la part d'Allah dans que cette qira'a elle soit pour toi mubaraka. Pareil si c'est pour manger, si c'est pour sortir, si c'est pour rentrer chez toi, etc. Donc bismillahirrahmanirrahim, et ensuite on récite al-fatiha. Et la sunna lorsqu'on récite al-fatiha et le Coran de façon générale, c'est comme les sahaba expliquaient la qira'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqra'u mutarassilan, mutarattilan, c'est-à-dire il récitait doucement, yamuddu biha sawta, c'est-à-dire il allonge sa voix, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmani ar-rahim, wa yaqifu inda kulli aya, et il s'arrêtait à chaque verset. Et regardez, une des hikmas de s'arrêter à chaque verset, c'est le hadith de tout à l'heure. C'est qu'Allah te répond à chaque verset que tu prononces. Il dit Hamidani Abdi, Majjadani Abdi. Et quand tu dis Malik Yawmiddin, Allah dit Hadha li Abdi wa li Abdi Masa'al. Ou plutôt quand tu commences à dire Ihdina Sirat al-Mustaqim, Allah dit Hadha li Abdi wa li Abdi Masa'al. Puisque le début de la Fatiha, c'est ça parle d'Allah, et la deuxième partie de la Fatiha, c'est une dua, c'est une invocation. Inch'Allah, on fera un jour un dar sur l'explication de la Fatiha en détail, parce qu'on a fait une juz'amma, mais on n'est pas passé par la Fatiha. Et ensuite, on dit également Amin. Amin qui ne fait pas partie de la Fatiha. Amin, c'est ce qu'on dit dans la prière, quand on récite la Fatiha, et c'est ce qu'on appelle un ismu fi'l. C'est-à-dire que dans la grammaire arabe, c'est considéré comme un ism, mais il a le sens d'un fi'al. Et amin, son sens, c'est istajib. Donc amin, ça remplace de dire Allahumma istajib, ou Allah exauce mon invocation, ou Allah répond à mon invocation. Donc surtout quand on récite la Fatiha, il faut avoir à l'esprit qu'on demande à Allah ihdina sirat al-mustaqim. C'est-à-dire lorsqu'Allah nous a commandé de dire la Fatiha, c'est comme s'il nous imposait de faire dua à chaque fois. Donc quand on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est à la fois la récitation du Coran, mais c'est aussi une dua. Et si Allah t'accorde cette dua, tout va être facilité pour toi. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait que Ihdina Sirat al-Mustaqim, ça contient tout le bien de dunya wal akhira. Parce que si tu as le hidayah de la part d'Allah, il n'y a aucun mal qui va te nuire par la suite. Même s'il t'arrive des malheurs, même s'il t'arrive là. Si tu es muhtad, tu as gagné pour l'akhira. Tu vas réussir dans l'akhira. Et tous les problèmes d'ici-bas vont se... Tu vas pouvoir les accueillir et patienter face à eux. Et également, malgré toutes les fitaines de ce monde, tu vas pouvoir être bien dirigé. Donc si Allah t'accorde l'hidayah, tu as tout gagné. Or, Allah t'a imposé de la demander dans chaque... Salah. Donc on termine en disant Amin. Ensuite on récite une autre sourah. Également ici, ce qui est important de savoir, c'est que quand on observe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. En fait, quand la prière est à voix basse, c'est à voix basse. Quand la prière est à voix haute, c'est à voix haute. Et derrière l'imam, on le fait à voix haute. Quand c'est par exemple le Fajr, le Maghrib, l'Aïcha. Pourquoi? Parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam li yutamma bihi. Allah a mis l'imam pour qu'on le suive. Et dans le hadith, il a dit Fa'idha ammana fa'amminu. Quand il dit amin, dites amin. Donc qu'est-ce que ça prouve? Que l'imam il le dit à voix haute et que nous on le dit derrière. Et il a dit fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui dont le amin tombe en même temps que le amin des anges, Allah lui pardonne ses péchés passés. Quelqu'un il pourrait dire, comment je fais pour que mon amin il tombe en même temps que celui des anges? Parce que je n'entends pas le amin des anges. C'est en suivant la sunna. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fa'idha ammana fa'amminu. Quand l'imam dit amin, dites amin. Et dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Idha qala l'imam ghayril maghdubi alayhim wa la dhallin faqulu amin. Quand il dit « wala dhallin », dites « amin ». Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on le dit, une fois qu'il dit « wala dhallin », il faut qu'il ait terminé la fatiha. Et dans l'autre hadith, « fa'idha ammana », il faut que lui, il ait commencé à le dire. Donc en vérité, on le dit en même temps que l'imam. Dès qu'il commence à dire « amin », on dit « amin » avec lui. Donc si on fait ça, il n'y a aucun doute qu'on le fait en même temps que les anges. Et ça vaut le pardon des péchés. Bilal ibn Rabah radiallahu an, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'iqama sur le toit de la mosquée. C'est pas comme maintenant, le muqim il fait toujours l'iqama dans le premier rang. À l'époque, le mu'adhin il faisait l'adhan et l'iqama sur le toit de la mosquée. Et ensuite il descendait rejoindre les rangs. Et Bilal il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tasbiqni bi amin. C'est-à-dire, attends-moi avant de dire amin. C'est-à-dire, il voulait, parce que lui il doit descendre. Donc il disait à l'imam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attends-moi pour dire amin. Tellement il avait le conscience que dire amin derrière l'imam, ça lui apporte des récompenses. Donc ensuite, le mieux, lorsqu'on observe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on observe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais récité des ayats qui sont comme ça au début au milieu d'une sourate comme ça. Ou alors il n'a jamais récité le début d'une sourate sans réciter la fin. Il récitait toujours des sourates entières. Et si on observe dans le Coran, on observe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des sourates qui sont munasiba, c'est-à-dire qui sont adéquates à ce qu'on puisse les réciter entièrement dans la prière. C'est-à-dire dans les sourates du Mufassal. Que ce soit la prière du Fajr qui doit être un peu longue ou les prières du Maghrib, de l'Aïcha qui sont plus courtes, on trouve toujours des sourates qui, si tu les récites du début jusqu'à la fin, elles conviennent à cette prière. Donc, autant réciter ces sourates-là et les réciter entières. Donc ce n'est pas interdit. Les savants sont unanimes pour dire qu'il n'est pas interdit de réciter un verset qui est en plein milieu d'une sourate, ou deux, ou trois, ou quatre. Mais le mieux, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il récitait toujours une sourate entièrement dans une raka'a. Donc également sa sunna, c'est que quand c'était la prière du Fajr, il récitait de ce qu'on appelle triwal al-mufassal. Qu'est-ce qu'on appelle al-mufassal? Al-mufassal, c'est la partie du Qur'an qui est comprise entre qaf et surat an-nas. Pourquoi on l'appelle mufassal? Li kathratil fasl. Parce qu'il y a beaucoup de fasl dans cette partie. Parce qu'il y a beaucoup de surat. Donc il y a beaucoup de séparation. Il y a beaucoup de séparation entre les surat, parce qu'il y a beaucoup de surat. Donc on l'appelle al-mufassal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agissait de salat al-fajr, il récitait de triwal al-mufassal. Et également, c'est ce qui rapportait de l'époque de Omar ibn al-Khattab et autres. C'est ce qu'il conseillait à ses umara, à ses émirs. Donc c'est quoi triwal al-mufassal? C'est de surat qaf jusqu'à à peu près amma. Donc on essaye de réciter ce genre de surat. Par exemple, l'imam il va réciter qaf dans la première raka'a et wadhariyati dharwa dans la deuxième. Bon, ça malheureusement, c'est, si l'imam il fait vraiment ça, il va se mettre tout le monde à dos. Moi, j'ai connu une mosquée en France où les gens, ils n'étaient pas différents d'ailleurs, où l'imam, il faisait ça tous les jours. C'était à Trappe, mashallah, l'imam, il faisait ça tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, il faisait la vraie sunna de Salat al-Fajr. Dans une raka'a, il récite une sourate entière du Mufassal, Et dans la deuxième, il récite une sourate entière du Mufassal. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont pris l'habitude et le fajr, il était rempli. Parce qu'en vérité, les gens, après, ils ont apprécié. Ils ont arrêté de se dire que le fajr, il faut que j'en finisse vite pour rentrer chez moi. Et ils se sont mis à apprécier d'entendre des sourates pendant 5-6 minutes. Et ils ont pris le temps d'apprécier salat al-fajr. Et alhamdoulilah, la mosquée, elle était... il y avait beaucoup de rang à la prière du fajr, si on compare aux autres mosquées. Donc c'est ça la sunna normalement dans la prière du fajr. C'est de réciter une sourate entière, longue, du Mufassal dans la première raka'a et une autre dans la deuxième raka'a. Sachant que de toute façon, ça ne dépassera même pas, on va dire 5 minutes dans une raka'a ou 4 minutes à peu près. Omar ibn al-Khattab, il récitait Yusuf entière dans une raka'a, dans Salat al-Fajr. Mais derrière lui, il y avait Al-Rijal, il y avait les vrais hommes, c'est pour ça aussi. Nous, si on nous fait ça, on va tomber par terre. Donc ensuite, si c'est, donc ça c'est pour Salat al-Fajr. Ensuite, la Salat la plus longue, normalement, la récitation la plus longue après le Fajr, chose que beaucoup de gens ignorent, c'est Dhuhr. Sahaba, il disait, quand c'était Salat al-Dhuhr, on pouvait partir jusqu'au Baqi'a dans la première raka'a. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, on pouvait aller au Baqi'a, faire nos besoins, faire l'ourdo, revenir, et on avait la première raka'a. Donc, regardez le problème à notre époque, c'est que les imams, ils croient que quand c'est à voix basse, ça doit aller vite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait Dhuhr, il récite Wal-Asr, il récite Il a fait Quraysh. Pourquoi? Parce que c'est à voix basse. Comme si le Coran, il peut être récité que quand on le fait à voix haute. Alors que au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait longtemps dans Salat ou Dhuhr. Il y a un hadith également de Abu Qatada radiallahu anhu, où il disait qu'on comptait Ramaqtu, c'est-à-dire j'ai mesuré la Salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait les deux premières raka'a du Dhuhr, elles étaient le double de la troisième et la quatrième, qui étaient le double, ou plutôt, pardon, qui étaient comme celles du Asr, les deux premières du Asr. Ça sous-entend aussi qu'il récitait quelque chose après la Fatiha dans la troisième et la quatrième de Dhuhr. Mais ça vous montre un peu la longueur de la prière du Dhuhr, surtout de la première et la deuxième raka'a. Al-Asr, elle était connue pour être plutôt courte, Salat al-Asr, comme Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa après lui, il préconisait les sourates de Qisar al-Mufassal, c'est-à-dire les petites sourates du Mufassal, qu'on estime être à partir de Wad-Duha jusqu'à An-Nas. C'est ça qu'il récitait la plupart du temps dans Salat al-Maghrib. Mais un imam, il ne doit pas faire ça tout le temps. Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il avait reproché à Marwan ibn al-Hakam de toujours réciter dans Salat al-Maghrib Qisar al-Mufassal. C'est-à-dire, Marwan ibn al-Hakam, qui était émir à Médine, dans Salat al-Maghrib, il récitait toujours les sourates courtes du Mufassal. Donc, ça, c'est ça la base. Mais il le faisait tout le temps sans jamais changer. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, l'a réprimé pour cela. Et il lui a dit que de temps en temps, il faut réciter une longue sourate dans le Maghrib. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a récité Wat-Tur dans Salat al-Maghrib. Donc ce n'est pas une longue sourate, mais elle fait partie des longues sourates du Mufassal, c'est-à-dire plutôt celle qu'on réciterait au Fajr. Et ensuite, quand on est dans Salat al-Isha, c'est une prière qui est intermédiaire. Donc vous connaissez tous le hadith avec Mu'adh, Afattanun ya Mu'adh, quand Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il a dirigé la prière dans son... parce qu'il y avait 7 mosquées à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mu'adh, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Isha, et ensuite il refaisait l'Isha dans, entre guillemets, dans son clan, dans son hay, comme on dit. Le hay, ça veut dire un clan normalement, dans la mosquée de son clan, et il dirigeait la prière. Et un jour, il a récité le Baqara. Et un homme a fini sa prière tout seul derrière Mu'adh. Il n'a plus suivi Mu'adh. C'est-à-dire, il était dans la prière avec Mu'adh. Et après, il a fini sa prière tout seul. Et il est parti se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la façon dont Mu'adh a allongé la salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Afattan ou Nia Mu'adh, est-ce que tu es un fattan? Fattan ici c'est dans le sens où taftinun nas an dinihim. Tu détournes les gens de la religion, c'est-à-dire tu les fais fuir de la religion parce que tu leur imposes trop d'eux quelque chose de trop difficile. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris que quand il fait salat al-isha, il doit réciter. Donc il lui a donné quelques exemples. Il lui a dit Wallayli idha yasha wa shamsi wa duhaha et ce genre de sourates, c'est-à-dire les sourates intermédiaires du Mufassal qu'on estime entre Amma et Wadduha. Donc ça c'est pour la récitation. S'il veut réciter des versets qui sont en plein milieu d'une sourate, c'est pas non plus interdit de temps en temps, mais le mieux c'est de réciter des sourates entières. Ensuite, donc on... Oui. On a le droit de prier deux fois l'Aïcha, comme il a fait le... En fait, la majorité la plupart des fuqaha, ils ont pris ce hadith dans son contexte. C'est-à-dire que certains fuqaha, ils vont te dire, voilà, c'est une preuve que quelqu'un il peut faire l'Aïcha, biniyati l'Aïcha, et ensuite il a refait biniyati nafila, et les gens derrière lui, ils prient avec la niya de l'Aïcha. Et ils disent, voilà, le hadith il est clair. Mais la plupart des fuqaha, ils mettent ça dans son contexte. C'est quoi son contexte? C'est qu'on était aux prémices de l'islam. On était au début de l'islam. Et les qurra n'étaient pas forcément nombreux, ceux qui étaient fuqaha et qui pouvaient à la fois diriger la salah, réciter le Coran, etc. Donc, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le permettait à Mu'adh pour la circonstance. Parce que c'était pour un besoin. Un peu comme Amr ibn Salama a pu être l'imam de sa tribu à l'âge de 5 ans. Alors que tous les fuqaha sont d'accord pour dire qu'il faut qu'il soit au moins mumayyiz, c'est-à-dire au moins qu'il ait 7 ans. Alors pourquoi dans un hadith on a un petit de 5 ans qui fait l'imam? La circonstance. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui... On est aux prémices de l'islam, et c'est pas tout le monde qui sait réciter le Coran et qui a appris beaucoup de sourates du Coran. Donc si c'était un petit de 5 ans, à ce moment-là, on le permet. Mais quand l'islam s'est répandu, s'est établi, les écoles coraniques se sont répandues, etc., les fuqaha, là non. Là, les choses deviennent plus cadrées, entre guillemets, et la plupart des fuqaha, dans ce cas-là, ils vont dire que quelqu'un ne peut pas prier l'Aïcha comme ça avec la niya de Nafila et les gens derrière avec la niya de l'Aïcha. Wallahu a'lam. Ensuite, on fait le rukou, donc, en levant les mains de nouveau. En levant les mains de nouveau. Donc, le fait de lever les mains dans ce salat, à chaque mouvement, c'est-à-dire pour le recours et quand on se relève du recours, ça, pour parler des madhahib, c'est le madhab de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Et c'est basé sur de nombreux hadiths qui sont authentiques. Et Abu Hanifa, rahimahullah, et Malik, rahimahullah, préconisent que on ne lève pas les mains à part au début de la salat. C'est-à-dire on dit Allahu Akbar au début et après c'est terminé, on ne lève plus les mains. Sur quoi est-ce qu'ils se basent pour faire ça? Sur certains hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans les sunan, comme sunan Abi Daoud et autres, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains au début de la prière et ne les relevait plus par la suite. Et que c'est rapporté également de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, et effectivement c'est rapporté d'eux. C'est-à-dire qu'ils faisaient comme ça au début, et après ils ne levaient plus les mains. Donc certains fuqaha ont plutôt choisi les hadiths authentiques, et d'autres ont plutôt choisi la pratique, ce qui était connu dans la pratique, et ce qui était répandu, qui était le fait de lever les mains une seule fois et de ne plus les relever. Donc encore une fois, regardez comment, parfois on peut lire un livre, on se croit que ça y est, on a tout compris. Mais pourtant, quand on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'on lève les mains une fois et on ne les lève plus par la suite, là, on redescend et on respecte et on laisse la divergence telle qu'elle est. Mais dans la méthodologie des fuqaha du hadith, c'est-à-dire de suivre les hadiths authentiques, tels quels, à partir du moment où on peut les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien la sunna, elle est clairement de lever les mains avant le rukou'. Comme on les a levées au début de la prière. Donc, quand on fait le rukou', on dit le takbir en se baissant. Wa idha raka'a kabbar, comme disait Abu Huraira. Quand il s'inclinait, il kabbar, il faisait le takbir. C'est pour ça que les fuqaha l'appellent takbir al-intiqal. Donc, parfois, certains imams, ils peuvent induire le ma'moum en erreur parce qu'ils font, par exemple, Allahu Akbar, et après, ils se baissent. Donc, le ma'moum, il va faire, lui, il se base sur le takbir, il ne voit pas l'imam. Donc, il va se baisser avant l'imam. Ou alors, c'est le contraire. Il fait le rukou' et une fois qu'il est bien en bas, il dit Allahu Akbar. Donc, il y a un décalage entre lui et le ma'moum. Mais si l'imam il fait bien le takbir dans le mouvement, il n'y aura plus tous ces problèmes. S'il dit Allahu Akbar, et tout de suite après le ma'moum, en entendant Allahu Akbar, il sait que l'imam il est raki', tout de suite après il le fait, et c'est là qu'on a la bonne mutaba'a. C'est-à-dire qu'on ne va pas agir avant l'imam, et on ne va pas être trop en retard vis-à-vis de l'imam. Donc Allahu Akbar, ensuite on fait le ruku'. Donc on avait dit, Al-haddul adna lir ruku'. On avait dit que le minimum du ruku', c'est que tes mains arrivent jusqu'à tes genoux. Mais le ruku' sunna, c'est plus que ça. Le ruku' sunna, c'est d'attraper ses genoux avec ses mains, avec les doigts écartés, et d'avoir le dos bien droit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le dos bien droit et sa tête était dans l'alignement de son dos. Ni il l'a baissé, ni il l'a relevé. En fait, pour bien faire ça, il suffit de regarder l'endroit où tu te prosternes et ta tête, elle sera bien alignée. Également, il ne collait pas ses mains à ses côtes et il ne mettait pas ses mains entre ses genoux. Dans le ruku', il mettait ses mains sur ses genoux et les bras, ils étaient bien, bien distincts de ses flancs. Et on dit Subhana Rabbi al-Azim une fois ou plus et autant qu'on veut. Et on peut dire également les autres tasbih qui sont rapportés. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, Amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb. Dans le ruku', faites le ta'zim d'Allah. C'est-à-dire que la fonction du ruku', c'est surtout le tasbih. De dire Subhana Rabbi al-Azim ou bien les autres sortes de tasbih qui existent. Subbuhun quddusun Rabbul malaikati war-ruh Subhanaka Allahumma wa bihamdik سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي et les autres tasbihat qui sont rapportées. Donc si la prière, la récitation était longue, on essaye de faire une prière qui soit uniforme. C'est ainsi qu'était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était équilibrée. Quand il récitait une longue sourate, eh bien le ruku' il était plus long. Quand la prière elle était brève, le ruku' il était plus bref. Et ensuite on se relève en disant Sami' Allahu liman hamida. Donc encore une fois dans le mouvement. Sami' Allahu liman hamida et en levant les mains. Et une fois debout, Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est le minimum. Et on peut ajouter Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ou encore on peut dire Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard. Mil, c'est-à-dire si je dis par exemple mil al-yadayn, c'est-à-dire quelque chose qui remplit les deux mains. Donc si je dis Rabbana wa lakal hamd, Rabbana, ça vous avez compris, wa lakal hamd, à toi et alhamd. Alhamd, on a déjà expliqué ce que ça veut dire. Et tu dis mil as-samawati wa mil al-ard, qui remplit les cieux et qui remplit la terre, wa mil ama baynahuma, et qui remplit l'espace entre les deux, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, et qui remplit ce que tu veux en dehors de tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme si tu disais, je t'adresse à Hamd, qui si il était concret, il remplirait les cieux, il remplirait la terre, et il remplirait l'espace qui est entre les cieux et la terre. Donc également, on répète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que disait Anas ibn Malik radiallahu anhu? Il restait tellement longtemps debout, quand il disait Rabbana wa lakal hamd, qu'on se disait, Qad nasiya, il a oublié qu'il s'est relevé du ruku'. Il croit qu'il est dans la qira'a. Donc contrairement à ce que malheureusement les musulmans, beaucoup de musulmans ils ont adopté maintenant, c'est que pour eux cette position-là, c'est juste pour être debout, pour se prosterner. Alors que ce n'est pas le cas, c'est une position à part entière. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait debout et il répétait simplement Li Rabbi alhamd, Li Rabbi alhamd. Et il faisait alhamd pendant ce qiyam. Une mas'ala, peut-être certains d'entre vous ils se posent cette question, est-ce que quand je me relève du rukou', est-ce que je pose les mains comme ça ou est-ce que je les laisse descendre? Encore une fois, ça c'est ce genre de question qui est large. Il n'y a rien de grave dans cette question. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a réglé la question en deux mots. Il a dit « Incha'a qabad wa incha'a sadal ». Voilà, point. Arsal. Il a dit « S'il veut, il fait ça, s'il veut, il fait ça ». Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de hadith clair qui nous dit ce que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là. Donc les hadiths, quelque part, on peut les interpréter comme quoi il faisait ça. Parce que les hadiths, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand il était debout, il faisait ça. Donc quand il dit « Rabbana wa lakal hamd », il est debout. Mais on peut aussi les interpréter comme quoi il faisait ça. Parce que dans le hadith de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, il a bien décrit la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début. Et à chaque fait et geste. Donc il a dit Allahu Akbar en levant ses mains. Après, il a posé la main droite sur la main gauche. Après, il a fait. Et quand il a parlé du fait de se relever du rukou', il n'a plus parlé des mains. Donc là, on peut comprendre que il n'a pas fait ça spécialement. Il est resté en position normale. Donc, comme il y a ce qu'on appelle un ihtimal, tu peux comprendre comme si, tu peux comprendre comme ça, la question elle est large. Si tu es plus à l'aise comme ça, fais-le. Si tu es plus à l'aise comme ça, fais-le. Il y a l'amru ou asir, comme on dit. Il n'y a pas de question de bid'a dedans, ou de wajib, ou de péché, etc. On fait jusqu'à 30, inshallah. Donc ensuite, on va faire le as-sujoud. La question aussi, ça c'est une question qui passionne tout le monde, c'est quand je descends pour faire sujoud, donc je descends en disant Allahu Akbar, est-ce que je vais poser mes mains en premier ou est-ce que je vais poser mes genoux en premier? On va commencer par citer les madhahib. Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, ils préconisent, ils disent que la sunna c'est de descendre sur les genoux, mettre les genoux en premier et après on met ses mains. Et l'imam Malik rahimahullah, lui il préconise de poser les mains en premier. D'où elle vient cette divergence? Elle vient du fait que les hadiths, ils sont multiples à ce sujet. Et leur authenticité également, elle est très discutable. Donc dans les sunan, il y a un hadith de Wa'il ibn Hujr, une des versions du hadith de Wa'il, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, la première chose qu'il posait sur la terre était ses genoux. Et un autre hadith, celui-là c'est celui que vous connaissez le plus, qui est également dans les sunan, c'est un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui dit إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Ce hadith, il dit, quand quelqu'un se prosterne, il ne doit pas faire le bourouk. Le bourouk, c'est la façon dont le chameau se pose. Comme le fait le chameau, qu'il pose ses mains avant ses genoux. C'est-à-dire que le chameau, comment il fait? Il pose ses pattes avant. Et le hadith, il dit, pose tes mains, pour pas faire comme le chameau, pose tes mains avant tes genoux. Donc on pourrait penser que c'est contradictoire. Parce que pour pas faire comme le chameau, il faudrait poser ses genoux en premier. Donc c'est pour ça que ce hadith, il y a plein de discussions autour. Certains ont dit non, en fait, le hadith, il est à l'envers. C'est un rapporteur qui s'est trompé. Parce que le chameau, il pose ses pattes avant. Donc si on ne fait pas comme lui, il faut poser nos pattes arrière à nous, c'est-à-dire nos genoux en premier. Et ça, c'est confirmé par quoi? C'est confirmé par le fait que ça, c'est une version du hadith. Et la version la plus authentique, elle dit... يَبْرُكُ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعْمِدُ الْبَعِيرُ ou بِمَعْنَ الْحَدِيثِ, sans parler des genoux et des mains. C'est-à-dire que dans la version la plus authentique, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a reproché à ceux qui se prosternent comme les chameaux. Mais il n'a pas dit qu'ils posent les mains ou les genoux en premier. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont beaucoup discuté. Pour ne pas faire comme le chameau, est-ce qu'il faut plutôt poser ses mains? Parce que le chameau, lui, il pose ses genoux, parce que les genoux du chameau, en arabe, al-rukba, elles sont dans ses pattes avant. Ça se voit quand on le voit, les pattes avant, ça ressemble aux genoux de l'homme. Ou est-ce qu'on fait selon la forme, c'est-à-dire que comme il pose ses pattes avant, ben nous, on pose nos pattes arrière. Et en vérité, toute cette discussion-là, elle s'efface quand on sait que ce hadith, il est munkar. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il disait, à propos du rapporteur du hadith, « Lam yutaba' alayh ». En fait, celui qui a rapporté le hadith, dans la chaîne de transmission, c'était quelqu'un qui était thiqa, mais il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths. Il s'appelait Mohammed ibn Abdullah ibn Hassan. Et il a rapporté ce hadith d'un grand imam du hadith dans les tabi'in qui était Abu Zinad. Abu Zinad, c'était un grand cheikh à Médine qui avait des milliers d'élèves. Et dans ses élèves, il y avait l'imam Malik, il y avait l'imam Soufiane ibn Uyayna. Les grands imams du hadith, ils étaient devant lui. Donc c'est pas logique que tous ceux-là, ils n'aient pas rapporté le hadith et que le seul qui rapporte ce hadith de cet homme-là, c'est un individu qui n'était pas connu pour le hadith. Donc c'est pour ça que l'imam al-Bukhari a insinué que le hadith il est faible en disant « Lam yutaba' alayh ». Personne ne l'a suivi dans ce hadith. Personne d'autre que lui ne l'a rapporté. Et un autre muhaddith de leur époque, qui s'appelait Abu Bakr al-Bardiji, disait « Hada hadithun munkar ». C'est un hadith munkar pour cette raison. Donc c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah, si vous avez lu un peu sur cette question, ceux qui ont déjà lu sur cette question, ils ont vu que Ibn al-Qayyim, il disait que le hadith, il est maqloub. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit فَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ, et le rapporteur, il s'est trompé, il a dit فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Certains, ils ont reproché ça à Ibn al-Qayyim. Ils lui ont dit, comment tu peux venir 700 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire le hadith il est maqloub, personne ne l'a dit ça avant. Ça, c'est mal comprendre ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Parce qu'Ibn al-Qayyim, avant de dire que le hadith il est maqloub, il a d'abord dit qu'il est daif. Donc une fois que tu dis qu'il est daif, d'abord il a dit il est daif le hadith. Pourquoi? Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc c'est comme s'il disait, et en admettant qu'il soit sahih, ben, il y aurait sûrement un qalab dedans. Il n'a pas dit directement comme ça. C'est pas comme s'il avait pris un hadith dans le Bukhari et il avait dit le hadith il est maqloub. Et personne n'a dit ça avant lui. Donc c'est un manque de compréhension des paroles d'Ibn al-Qayyim de dire ça. Certes, il a dit il est maqloub et personne n'a dit ça avant lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit avant? Il est daif. Quand bien même il serait sahih, il serait plutôt maqloub. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il s'est permis de dire ça parce que d'abord il a dit qu'il n'est pas authentique. Donc en vérité, les textes qui parlent de cette masse alors dans la sunna, ils sont, les savants du hadith les ont tous qualifiés de faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse divergence, parce que si tous les hadiths sont faibles, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste la pratique des salafs, il reste les athars, et dans les athars, tout est rapporté. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il posait ses genoux avant ses mains. Ça c'est sahih. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il posait ses genoux avant ses mains. Donc si vous voulez, dans certaines provinces du monde musulman, les fuqaha étaient plutôt connus pour poser leurs genoux avant leurs mains. Et dans d'autres provinces, ils étaient plutôt connus pour poser leurs mains avant leurs genoux. À Médine, par exemple, ce qui était le plus connu, c'était de poser ses mains avant ses genoux. C'est pour ça que l'imam Malik disait ça. Alors qu'en Irak, il était plus connu de poser ses genoux avant ses mains. Donc à la fin, en fait, qu'est-ce qu'on va dire, comme d'habitude? Al-amru wasi'. La question, elle est large, et c'est pour ça qu'on observe qu'aucun des quatre imams n'a rendu ça obligatoire. Aucun n'a dit il est obligatoire de se prosterner sur les genoux ou sur les mains. Parce qu'ils avaient adraku, ils avaient compris que la question, elle ne repose pas sur quelque chose d'assez solide pour qu'on puisse l'obliger. Donc ça reste plutôt du domaine du khushu'. La chose la plus importante dans Sifatou Salah, c'est le khushu'. Donc si toi tu es plus à l'aise à poser tes mains en premier, pose tes mains en premier. Si tu es plus à l'aise à poser tes genoux en premier, pose tes genoux en premier. Wallahu a'lam. On continuera. Je ne pensais pas qu'on allait faire une heure avec ça. Bah, tant mieux. Alhamdulillah. On continuera la fois prochaine, Inch'Allah ta'ala. On a fait ce qu'il dit. Il dit Amin ou Amin. Il dit Amin. Il dit Amin. ويصح كذلك أمين أمين أما أمين كما يسمع أحيانا لا وجود له c'est-à-dire أمين on peut dire أمين et on peut dire أمين mais dans tous les cas il faut allonger le مين par contre dire أمين ça n'existe pas والله أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Donc je vous rappelle qu'on reprendra bien le programme quand les autres y reviendront vers septembre, inshallah. Thank you.